إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 22 في كتاب المولد العزب الزلال للشيخ العلامة الشيخ النجمي حفظه الله تعالى ومتع به. لندخل Si on est au 22e cours autour du livre de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, la source abondante et délicieuse dans la critique de certaines voies dans Dawa et de certaines croyances. Wa huna al-mulahadat al-thaniya, iqrar al-mashahid wal-adrihah wa adam muhawalat izalatiha wal-qiyam bi-harb 'alayha wa 'ala murtadiha. Voici la deuxième critique maintenant qui mes Cheikh Najmi sur l'Ikhwan al-Muslimin. C'est qu'ils approuvent, la deuxième critique, c'est qu'ils approuvent les mausolées et tout ce qui se passe au mausolée. Ils ne combattent pas ce qui se passe autour des mausolées. Et on sait ce qui se passe autour du mausolée comme associationnisme. وهنا كذلك قصة وقعت للزنداني وهو من رؤوس الإخوان اليمنيين والشيخ مقبل حفظه الله تعالى مع رئيس اليمن. فمرة أتي بالشيخ مقبل حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى إلى الرئيس اليمني، وكان في المجلس الزنداني. فقال الرئيس: ما تقولون في شباب كسروا بعض الأضرحة وسووا بعض القبور؟ فقال الشيخ مقبل حفظه الله رحمة الله عليه: هذه هي السنة، وما فعلوا وفعلهم فعل حق. فقال الزنداني: يجب أن يجلدوا على فعلهم الشنيع هذا. وبعدها بأيام سافر الزنداني إلى الرياض، فالتقى به بعض الصحفيين فقال: ذلكم العمل، هذا عمل طيب الذي فعل في تسوية القبور والأضرحة عندكم. فقال: نحن شجعناهم على ذلك. فانظروا الدهاء والمكر والكذب والافتراء. Voici maintenant une histoire qui est arrivée. الزنداني يا الشيخ مقبل حفظه رحمه الله تعالى avec le président du Yémen. On a demandé la présence de Cheikh Muqbil Hafidhahullah Ta'ala rahmatullahi alayhi chez le président du Yémen. Et dans l'assise, il y avait Zindani quand Cheikh Muqbil est arrivé. Et après, le président du Yémen a demandé à Cheikh Muqbil c'est quoi la sentence sur des jeunes qui ont détruit certains mausolées et qui ont mis à plat les tombes. Cheikh Muqbil Hafidhahullah Ta'ala rahimahullah Ta'ala a dit ça, c'est là que c'est un acte qui est demandé dans la sunna. Ils n'ont fait que le bien. Zindani a dit: non, c'est des perturbateurs, il faut les arrêter et les lapider et les leur donner des coups de fouet devant le président. Quelques jours après, Zindani se retrouve en voyage à Riyad et un journaliste lui a dit: c'est bien ce qui s'est passé il y a quelques jours là-bas chez vous, le fait d'avoir mis au niveau de la terre les tombes et d'avoir détruit certains mausolées. Il a dit: nous avons ordonné de jeunes de le faire. Subhanallah, regardez. le mensonge, déguiser les histoires et mentir. Hein? Quand il s'agit, Zama, d'essayer de gratter une place aux côtés du président, regardez là, qu'est-ce qu'il a dit. Mais quand il s'agit de se faire bien voir par le pays du monothéisme, regardez sa réaction. Les Ikhwan, ils sont comme ça, c'est des caméléons. Là où ils sont, et n'importe quel degré. Les théoriciens, leurs chouyours, tout le monde, c'est des caméléons. Regardez la position. Allah al-Musta'an. Inna al-mashahida wal-adrihata allati ma zalat qa'imatan fil bilad al-misriya والتي يرتادها المصريون من كل نواحي مصر يتطوفون بها ويقدمون لها النذور ويهتفون بأسماء أصحابها استغاثة في الكروب ورجاء في الرغائب إن هذه المشاهد والأضرحة تمثل الطواغيت التي كانت في الجاهلية كاللات والعزى وذي الكفين وذي الخلصة ومنات وغير ذلك والتي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث حربا شعواء لا تخبو نارها ولا يفتر أوارها فلما انتصر على المشركين أرسل بعض أصحابه لهدم تلك الطواغيت وإبادتها وإحراقها لمزولي qui sont encore debout en Égypte, vers laquelle accourent beaucoup d'Égyptiens, les différentes régions d'Égypte. Ils tournent autour de ces mausolées, ils rapprochent des sacrifices à ces mausolées, ils font des vœux à ces mausolées, ils font des vœux au nom de ceux qui sont dans la tombe, et ils crient au nom de ceux qui sont dans la tombe, ils demandent à ceux qui sont dans la tombe de les secourir, et de les sortir de les impasses dans lesquelles ils sont. Ils espèrent en eux. Tous ces mausolées, c'est la représentation d'Al-Tawarit, qui était à l'époque du paganisme avant l'arrivée de Mohammed a.s. C'est l'équivalent de Lat, l'Uzza, d'Il-Kafayn, d'Il-Khalasa, Manat et autres, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme messager. Un combat sans gêne, et sans cesse. Et quand il a eu le dessus, il a triomphé sur les associateurs, il a envoyé ses nobles compagnons pour détruire toutes ces tawarit, et pour les brûler, et les anéantir à jamais. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وإن الواجب على كل داعية يزعم أنه يدعو إلى الله ويكون في وسط وبيئته كالوسط والبيئة التي كانت وما زالت في مصر وغيرها من البلدان من وغيرها من بلدان العالم التي بليت بهذا المرض الفتاك وهو مرض الخرافة والشرك بالله أقول إن الواجب على كل داعية في مثل هذا المحيط أن يبدأ ببيان التوحيد وما ينافيه من الشرك أما من سكت عن الشرك وهو يزعم في نفس الوقت أنه يدعو إلى الله مع أنه لا يتمعر وجهه من هتافات المشركين بأسماء المخلوقين يدعونهم بما لا يقدر عليه إلا الله سواء كانوا أحياء أم أمواتا ولم يحارب تلك المشاهد ومرتاديها حتى ولا بالإنكار بالكلمة بل هو يذهب إليها بنفسه موهما لعوام الناس ودهمائهم أن هذه الأضرحة تمثل الإسلام وما يعمله الناس عندها يقره الإسلام كما تقدم أن الشيخ البنا حاضر في مشهد السيدة زينب في حفل الهجرة ولم يذكر حرفا واحدا عن الشرك الذي يعمل في ذلك المشهد. الشيخ دو نودير il est obligatoire à tout un داعي qui prétend appeler vers Allah Azza wa Jal quand il se trouve dans un milieu comme le milieu d'Égypte, où il y a encore les mausolées, où on accomplit l'associationnisme, que ce soit l'Égypte ou ailleurs, en Afrique du Nord aussi. Un da'i qui prétend appeler vers Allah Azza wa Jal, qui se trouve dans un pays qui est éprouvé par cette gangrène et cette maladie qui tue, qui est la maladie de l'associationnisme, et du fait de vivre dans les mythes et d'associer Allah Azza wa Jal, Cheikh de nous dire, il est obligatoire à tout prêcheur, à tout da'i, qui est dans un milieu pareil, qu'il commence par le commencement, par éclairer les gens sur le monothéisme. et pas éclairer les gens sur le contraire du monothéisme qui est l'associationnisme. Car celui qui se tait sur l'associationnisme et prétend en même temps qu'il appelle vers Allah Azza wa Jal, et quand il voit l'associationnisme, il entend l'associationnisme, ça ne lui fait rien du tout, il n'a pas d'allergie contre l'associationnisme. Hein? Et il entend que les gens appellent les morts, et appellent ceux qui sont dans le mausolée, et leur demandent ce que ne peut faire qu'Allah Azza wa Jal, que ce soit les morts, que ce soit les vivants. Et il entend des gens les appeler pour leur donner des enfants, et ou là pour donner la fortune, ou là autre. Et il ne combat pas ce genre d'événement, ce genre d'acte. Hein? Et il ne blâme pas avec une parole ce genre d'acte. Et lui-même, il va dans ce genre de lieu, il donne des conférences, et dans sa conférence, il parle pas, il dit pas un mot contre l'associationnisme. Alors que l'associationnisme s'accomplit devant lui. Hassan al-Billah est allé, comme il a cité, Cheikh l'a cité dans la première critique, il est allé, il a donné une conférence dans le plus grand mausolée de l'associationnisme, qui est le mausolée de Siti Zainab. Il n'a pas ouvert la bouche avec un mot contre l'associationnisme. Ni avertit les gens et conseille les gens qui tournent autour de la tombe de Siti Zainab. قال حسن البنا في مذكراته صفحة 33 وكنا في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من دمنهور فكنا أحيانا نزور دسقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة بحيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا فنقطع المسافة وهي حوالي 20 كيلومتر في 3 ساعات ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا وقال أيضا في الصفحة نفسها وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرة الشيخ سيد سنجر من خواص الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم ونقضي يوما كاملا هناك ثم نعود وهذا من مذكرات الدعوة والداعية صفحة 33 للشيخ البنا الشيخ دونسيتين بارول ديال البنا دون سون ليفر ها مذكرة الدعوة والداعية صفحة page 33 et il dit Hassan al-Banna certains jours du vendredi coïncident avec des journées que nous passons à Damanhour et dans ces cas-là nous proposons un voyage une excursion rihla, une excursion pour visiter l'Aulia, les proches qui sont proches de Damanhour. Et il dit, certaines fois, nous allons visiter Dusuqi. Et il dit, nous marchons à pied, après Salat Subh, Mubasharatan, directement, et nous arrivons là-bas, aux alentours de 8 heures du matin. Et nous traversions la distance de 20 kilomètres en 3 heures. Et nous visitons Nazour, Ziyar, nous visitons Zama la tombe, hein? Et nous faisons le Jumu'a là-bas, et on se repose après le repas du midi, et nous prions l'Asr là-bas, et nous faisons demi-tour. Et nous revenons à Damanhour, et nous arrivons à Damanhour après Salat al-Maghrib à peu près. Et il a dit dans la même page, et certaines fois nous visitions Azbat Noum, où il est enterré, il est enterré dans Azbat Noum, dans le cimetière de Azbat Noum, le Cheikh Sayyid Sinjar. Sayyid Sinjar, c'est l'un des particuliers parmi les hommes de la tariqa, de la secte Hussafite. Il dit, Hassan ibn Naki était connu par son bien, par sa piété, etc. Il dit, nous passons une journée complète là-bas et nous revenons. Page 33, Mudakira al-Da'wa al-Da'iya al-Banna. والشيخ يعقب هنا ويقول maintenant الشيخ أظن تعليق ديال الشيخ هذا يدل على شيء إنما يدل على أن البنا لم يتربى التربية السلفية السنية ولم يتربى على دعوة التوحيد وعلى السنة بحيث يقوم بهذه الأعمال التي لا يقوم بها رجل عرف منهج السلف وعرف التوحيد وعرف السنة. Ce qui nous a cité Cheikh ici, c'est qu'il prouve quelque chose, il nous prouve que le Banna, rahimahullah, n'a pas été éduqué une éducation salafi, une éducation sur la sunna. Il n'a pas été éduqué sur la da'wa du salaf et sur la da'wa du monothéisme et de la sunna. Parce que il accomplit ce genre d'acte. Et quelqu'un qui connaît la voie du puzzle, radhiyallahu alayhi, mais qui connaît le monothéisme et la sunna, ne va pas accomplir ses débilités. ويقول الشيخ حفظه الله إن الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنية وبدعية وشركية فمن دعا صاحب القبر فهو مشرك وزيارته شركية ومن زعم أن الدعاء عند ذلك القبر مستجاب فهو مبتدع وزيارته بدعية ومن زار قبر فلان ليدعو له لعلمه أن المقبور في حاجة إلى الدعاء فتلك هي الزيارة السنية التي حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الشيخ de nous dire, regardez que dans les répliques des hommes de science, il y a des leçons à retenir, il y a des points à retenir. Il y a de nous dire, les visites sont divisées en trois. Une visite sur la sunna qui est une visite sunnite, ziyara sunniya. Une visite innovation, ziyara al-bid'iyya. Une visite associationnisme qui est une visite, ziyara shirkiya. Celui qui demande à celui qui est enterré dans la tombe, c'est un associateur et sa visite, sa ziyara est une ziyara associationnisme. Et celui qui prétend que le fait de faire dua à côté de la tombe, ceci va exaucer le dua, ceci est une, c'est un innovateur. Et sa ziyara, sa visite, est une visite innovation. Regardez le détail chez les hommes de science. Et celui qui visite une tombe, la tombe de telle personne ou autre personne, pour faire dua à cette personne, parce qu'il sait que celui qui est enterré a besoin du dua, et ça c'est la ziyara sunna. Hein? Ça c'est la ziyara, la visite de la sunna, que nous a ordonné le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous l'a enseigné alayhi salatu wassalam. Il a dit, avant je vous ai interdit de visiter les tombes, maintenant visitez les tombes, car il vous rappelle le delà, le hadith chez l'imam muslim. Regarde, la clairvoyance des hommes de science, et comment, dans les répliques, comment ils te détaillent, et tu prends des leçons. On n'arrête pas de prendre des points, et de retenir des points dans la réplique que fait Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala à ses igouanes. وَلَكِنَّ الزِّيَارَةَ السُنِّيَّةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُشَدَّ إِلَيْهَا رَحْلٌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى والحديث صحيح وهو في إرواء الغليل للشيخ ناصر رحمة الله عليه maintenant regarde mais la ziyara, la visite selon la sunna, on ne doit pas prendre son pactage et faire un voyage pour aller vers, car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prendre son pactage, d'aller faire des visites, sauf pour les trois mosquées. Il a dit, ne voyagez que pour les trois mosquées. C'est-à-dire un voyage dans lequel vous espérez la récompense min Allah et le rapprochement de Allah. Je ne le fais que pour les trois mosquées. La mosquée du Prophète alayhi salatu wassalam, la mosquée de la Mecque et celle de Jérusalem. Point final. Regardez combien de mal il y a dans les visites que faisaient Hassan al-Banna et ses disciples. Et regardez sans la clairvoyance de l'homme de science, est-ce qu'on pourrait le savoir et le déceler? Sinon, tant que comment dire, ils vont le bien. Masha'Allah, ils vont aller, hein. وقادي وسي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقادي لكن يخبو يرسك الله سبحانه وتعالى دوني كومبانيون دوني كور ديال المنهج كي سون باسي دون في الحديث دو سو حديث لا لا تشد الرحال اون فواياج كو ان فواياج ولكن اون شيرش لا ريكومبونس من الله كو بور لي 3 موسكي ياك أبو هريرة اي بارتي في جبل الطور لا مونتان والله سبحانه وتعالى بارلي ا موسى عليه الصلاه والسلام كونت لي ريفوني ان اوت كومبانيون كي لا اريتي. Il lui a dit d'où tu viens? Il lui a dit je viens de Thor. Il lui a dit si je t'avais vu avant de partir, je t'aurais interdit d'y aller. Parce que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, on ne voyage, les voyages pour chercher une récompense minallah, que pour les 3 mosquées. Regardez la compréhension du compagnon et regardez la tête des Ikhwan, comment ils font les vies, hein, comment ils voyagent. Parce que 20 km pour certains hommes de science, c'est une distance pour accourcir la prière. C'est considéré comme une distance. Et quand le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, ou les 20 kilos, barit, ou il y a une distance de قصر, à la raie de certains ahli al-ilm, ou ظاهر الذليل معهم. فقد ورد في حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام وفي رواية يوم وليلة وفي رواية يوم وفي رواية ليلة إلا مع ذي محرم. وهذه الرواية صحت صحة لا شك فيها وولد في رواية سهيل بن أبي صالح وقد روى له البخاري مقرورا بلفظ لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة بريد وهو 20 كيلو والبريد مسافة 19 كيلو ومئتين متر 19 كيلومتر ومئتين متر هذا البريد فتبين أن هذه المسافة مسافة قصر وأخيرا ما هو الباعث للشيخ البنا ورفقائه إلى هذه المشاهد وهذه القبور التي فتن بها الناس وجعلوها مضاهية للكعبة إن كانوا يدعون الله عندها ومضاهية لله إن كانوا يدعونها والأخير هو المعروف من حال المشركين الذين يرتادون هذه الأماكن وما الذي حملهم على أنهم يذهبون إلى هذه القبور يمشون على الأقدام ويزعمون أن ذلك قربة ويزعمون أن ذلك قربة دونك إلي 20 كيلو سي تان باريد سي اون ديستونس بوستال اي ان باريد سي لا ديستونس de raccourcir les prières. Selon l'avis de certains hommes de science, l'apparence de la preuve est avec eux. Parce qu'il nous est arrivé un hadith qui dit qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah, en son messager, et en le delà, qui croit en Allah, et en le delà qu'il voyage la distance de 3 jour, dans une autre version, d'un jour et d'une nuit. Dans une autre version, d'un jour. Dans une autre version, d'une nuit. Et qu'il ne fasse pas ça qu'avec un mahram. Il ne doit pas faire ce voyage avec, sans avoir un mahram avec elle. Son père, son frère, son mari ou autre mahram. Quelqu'un qui ne peut pas se marier avec elle. Et ces versions de ce hadith sont toutes authentiques. Il n'y a aucun doute dedans. Et il nous a été rapporté dans la version du Suhayl ibn Abi Salih, le Bukhari lui rapporte cette version avec cette expression il ne convient pas, il n'est pas permis, la yahil, il est haram pour une femme qui croit en Allah ou le delà qu'il voyage une masafa, une distance postale, barid. Il barid. C'est 19 km et 200 mètres. 19 200 mètres. Ad al-Barid. De là, tu sais que cette distance est une distance pour raccourcir les prières. Et à la fin, il dit, Cheikh, et enfin, qu'est-ce qui pousse Cheikh al-Banna et ses amis, ses disciples, à aller vers ces mausolées et vers ces tombes qui ont perturbé les gens? Et ils ont fait que ces tombes concurrencent la Kaaba. Ils ont fait que ces tombes sont à pied d'égalité avec la Kaaba s'ils demandent à Allah à côté de ça. Et ces tombes concurrence à Allah quand il demande directement à la tombe. Quand il demande à côté de cette tombe, ils font, cette tombe devient à pied d'égalité avec le Kaaba. Ils demandent à Allah à côté de cette tombe. Ils veulent, en étant à côté, ils croient qu'en étant à côté de cette tombe, que leur doua va être exaucé. On le faisait à Allah, Azzawajal. Et de l'autre côté, cette tombe devient des concurrentes et à pied d'égalité avec Allah, Azzawajal, quand il la demande, il lui demande directement. Et ça, c'est ce qui est connu de l'Qubouria de Sofia. C'est-à-dire, il demande à la tombe. Il voyage pour la tombe pour demander à celui qui est dans la tombe. Et ça, c'est la situation des associateurs qui vont dans ces endroits. Et qu'est-ce qui les pousse à y aller? C'est quoi leur leitmotiv pour y aller? À marcher à pied, y aller, et à faire tant d'efforts. Ils prétendent se rapprocher avec ça d'Allah Azza wa Jal. Wa yaqulu Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, wa dhahiru anna al-banna wa rufaqa'uh yaqsudun wahid min al-ithnain. Imma ad-du'a 'inda wa hada bid'atun. وإما دعاء المقبورين فيها وهذا شرك أكبر فمن عاش وتربى على هذا من صغره وأيام طلبه فكيف يستبعد وقوعه منه في كبره وأيام تبنيه للدعوة إلى الله بل إن ذكره لذلك معتزا به في مذكرات يدل دلالة واضحة على عدم رجوعه عنه وسكوته على تلك المشاهد أيام دعوته وعدم إنكاره على مرتاديها شاهد آخر بل والذهاب إليها والمحاضرة فيها عن غير الشرك الذي يجري فيها شاهد ثالث وفيه من المحاجر. Et Cheikh de nous dire, et l'apparence de Benna et de ses compagnons, c'est qu'ils vont vers ces endroits pour deux choses. Pour l'une des deux choses. Soit pour faire dua à côté de cette tombe. Pour faire dua pour demander à Allah, généralement en étant à côté de cette tombe. Et ça, c'est une innovation. Soit pour donner aux tombes directement, et ça, c'est un grand associationnisme. Il dit, Rahimahavidallahu ta'ala, celui qui a vécu, qui a été éduqué depuis son jeune âge, depuis qu'il est petit, et au moment de sa demande de la science, dans le sophisme, comment? Hein? Il ne peut pas tomber dans ce genre de situation quand il est devenu grand. Et quand il a commencé à faire sa da'wa, et en plus de ça, dans ses écrits Hassan al-Banna, Mudakkirat da'wa al-da'ya, il est fier d'avoir fait des voyages vers les tombes. Il le raconte par fierté. Et ça prouve clairement qu'il n'est pas revenu de cette situation. Et que le fait qu'il se taise sur ce qui se passe autour de ces mausolées sans le blâmer, et le fait d'y aller et d'y faire des conférences et de ne pas parler un mot sur l'associationnisme, ceci ramène beaucoup de mal à la communauté. Ceci est un troisième point, troisième témoignage, comme quoi il est de ce genre de déviation. Et parmi les avertissements qu'il y a dans le fait d'aller faire des conférences à l'intérieur, et de ne pas blâmer l'associationnisme, Cheikh nous cite ceci. « Iham l'âme » أن ما يجري عند تلك القبور من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغيره من المخلوقين والذبح والنذر لهم دونه أنه هو الإسلام وذلك محاربة للإسلام لا دعوة إليه. Le fait d'approuver, de ne pas dire un mot et d'aller faire des conférences là où il y a un mausolée, ben ça, le premier grand mal, c'est qu'on donne l'illusion au commun des musulmans que ce qui se passe là-bas autour de cette tombe, du fait de demander à Allah et de chercher au secours auprès des morts, etc., et de dégorger pour l'être humain qui est mort, en dehors de Allah, Azza wa Jal, que ça c'est l'islam. Et ça, en réalité, c'est une guerre contre l'islam authentique. Ce n'est pas un appel vers l'islam. Hada le premier, point néfaste, dans le fait d'approuver, et d'y aller, et de conférencer, et de prendre, et de faire des voyages vers le tombe. Là, en rond, on dit au commun du musulman, vous pouvez y aller. Quand ils voient les emblèmes d'El Dawa, etc., agir ainsi, qu'est-ce qu'ils font, Omar? Qu'est-ce qu'ils te disent, Omar? Tu es mieux que lui. Donc, ils plongent les gens. Soit dans l'associationnisme, soit dans l'innovation. Ça dépend. Taniyan, fi tchji'u lil wathaniya, allati harabaha l'islam, من أول يوم نزل القرآن فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في الصور المكية قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. Le deuxième point néfaste dans le fait d'agir ainsi, c'est que tu encourages l'associationnisme et l'adoration des tombes et l'adoration des statues. Cette association que le prophète alayhi a combattu depuis que le Coran est descendu sur lui. Hein? Et surtout, ceci on s'en rend compte quand on lit les versets qui sont descendus à la Mecque. Comme dans Sourate Yunus verset 106, où il est dit: « Et ne demande pas en dehors d'Allah Azzawajal, ne demande pas à quelqu'un d'autre qu'Allah Azzawajal, car celui-là ne te ramènera ni le bien ni le mal. » Il ne repoussera pas le mal de toi. Et si tu le fais, sache que tu es parmi les injustes. Thalithan, min al-mahdurat fi ma fa'ala al-banna wa ashabuh, sudur hada min da'iyat yadhharu lin-nas annahu yumathilu al-islam as-sahih. Annahu yumathilu al-islam as-sahih a'dham fi at-taghrir bis-suddaj. وأكثر إيغالا في الإيهام والخداع. وأنا لا أعتقد أن البنا قصد الإيهام، ومن سبر حاله من كتبه وسيلتي يتبين له أن الذي أوقعه في ذلك هو الجهل بالإسلام الصحيح. Et aussi, le point néfaste aussi, c'est que cet acte-là qui vient d'un da'i qui, aux yeux des gens, appelle, représente l'islam authentique, c'est une grande catastrophe, parce que les naïfs se font avoir. Et ça va les enfoncer plus. Et c'est une trahison. Ça va les enfoncer plus, ils vont se faire avoir, parce qu'ils ont vu de cet homme qui représente pour eux l'islam authentique. Et cher de nous dire, moi je ne crois pas que le Benna a voulu ici l'illusion. Car celui qui connaît la personne, et qui a lu ses livres, et qui a fait un suivi de sa biographie, il lui apparaît que ce qui l'a poussé, qui l'a fait tomber là-dedans, c'est qu'il est ignorant de ce que ça veut dire l'islam authentique. Il ignore l'islam authentique. Ainsi dit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Moulahadat al-thalitha. قبول المشركين بالله شركا أكبر بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك في الجماعة واعتبارهم إخوانا مع منافاة عقيدة من أعظم قاعدة في الإسلام واعتبار الرافضة الذين يسبون الصحابة ويعتقدون في أئمتهم العصمة إخوانا إلى غير ذلك والدليل على ذلك أمور سيبينها لنا الشيخ. La troisième critique, c'est que les Khouan, ils acceptent les associateurs dans leur groupe. Les associateurs qui commettent le grand associationnisme. Et qui demandent à autre qu'Allah Azza wa Jal, et qui égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal, et qui font des vœux pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils les acceptent dans leur groupe, ils les considèrent comme des frères à eux. Et ceci est contradictoire au dogme du monothéisme. Alors que le dogme de ces associateurs est en contradiction avec... Hein, avec le dogme du monothéisme. Et ceci, c'est une énorme règle. C'est-à-dire que le fait d'accepter des gens qui sont en contradiction avec l'associationnisme, c'est détruire l'une des énormes règles. Qui est quoi? S'allier avec les croyants et désavouer les associateurs. Ils l'annulent. Ce qu'ils font, le ramasser des associateurs dans leur groupe. Et ils prennent en considération aussi, et ils cherchent l'union avec Rafida, qui insulte les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, khzaumullah, et qui croient que leurs imams, Rafida croient que leurs imams sont épargnés de l'erreur, et que leurs imams arrivent à une place où ne sont pas arrivés ni les prophètes ni les anges. A'oudhu billah. فالملاحظة الثالثة ملاحظة عظيمة. قبول المشركين بالله في الجماعة في جماعة الإخوان هذه من المصائب العظمى عند الإخوان المفلسين. ضربوا الأصل الشرعي الذي هو الولاء والبراء، فما عندهم ولاء ولا براء في الله ولله، ولكن عندهم ولاء وبراء للجماعة وفي الجماعة ولمبادئ الجماعة ولأصول الجماعة. فالإخوان هم أول من أدخلوا هذه المصيبة على المسلمين، حيث أدخلوا في جماعتهم الرافضة والقبورية والصوفية وحتى النصارى في مجالسهم. كان من أقرب الناس إلى البنا النصارى، كانوا معه في مجلسه مستشارين يا عباد الله، وحتى النصارى في مجلسه. وأضحت هذه الجماعة خليطا عجيبا للملل والنحل والأهواء والفرق، جمعت بين السنة والبدعة والشرك والتوحيد، وهذه ضربة خطيرة للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثالثة كريتيك دو شيخ هي انورم كريتيك فيت داكسبتي لي اسوسياتور دون لو غروب ديال الاخوان. Ça, c'est une des plus grandes catastrophes des Ikhwan Mouflisin. Car ils ont braqué contre le mur l'une des grandes règles de la législation, qui est l'alliance et le désaveu. Ils n'ont pas d'alliance et désaveu pour Allah Azza wa Jal, ni on Allah Azza wa Jal. Ils ont l'alliance et le désaveu pour le groupe, pour le Jama'a, et pour les principes fondamentaux de Jama'a, et pour les fondements de Jama'a. Et les Ikhwan, ce sont les premiers qui ont rentré, qui ont émissé cette grande catastrophe dans la communauté de l'islam. Ils ont rentré dans leur groupe Rafida. Ils ont rentré dans leur groupe les adorateurs des tombes. Ils ont rentré dans leur groupe Sophia. Même Nasara, les chrétiens. Dans le conseil privé d'Al-Banna, il y avait un chrétien. Et dans leurs assises, il y a des chrétiens. Et ce groupe est devenu un mélange. Un mélange de toutes les voix et de tous les groupes éclatés. Ce groupe a réuni l'innovation et la sunna, le monothéisme et l'associationnisme. Il a réuni tout ce qui ne peut pas être réuni. Et ça, c'est un coup dur et très dangereux dans la communauté de l'islam. وَالصُّوفِ الْقُبُورِ وَهَذِهِ مَا هِيَ بِسَهْلَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أن تدخل في الحزب معك الرافض الخبيث الذي يسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان والصحابة، وهذه ضربة قاسية في أهل السنة والجماعة. وتدخل معك في الحزب الصوفي والقبوري والعقلاني الذي يرد الحديث إن لم يغافق عقله، وتدخل في حزبك الأشعري الذي ينكر الصفات، فأين الولاء؟ وأين البراء؟ أين الحب في الله؟ وأين البغض في الله؟ فأصبحت دعوة الإخوان للجماعة وأصولها، ولم تصبح لله عز وجل ولا لإظهار دين الله، وإنما لتلميع الجماعة وأفكارها وأصولها ومفكريها وروادها. إساء، ce n'est pas une situation facile pour le musulman et pour l'islam. Quand tu rentres dans ton parti, Rafidi, que Allah subhanahu wa ta'ala le châtie, et que Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans ses veines, celui qui insulte les femmes des prophètes alayhi salatu salam, ceux qui insultent Abu Bakr et Omar, et que rendent mécréants les compagnons du prophète alayhi salatu salam, tu les rentres avec toi dans un parti, et tu te dis que tu défends l'islam, que tu appelles vers l'islam, tu rentres avec toi le Qobori qui adore les tombes, et le Sophie qui croit en l'unicité de l'existence, tu rentres avec toi celui de l'école de la raison qui refute les hadiths du prophète alayhi salatu salam parce qu'il ne convient pas à sa raison. Tu rentres avec toi l'Ash'ari qui ne reconnaît que cet attribut à Allah Azza wa Jal. Où est le wala dans ces cas-là? Où est le bara? Où est l'alliance et le désaveu? Où est l'amour en Allah et détesté pour Allah? La da'wa des ikhwan muslimin, c'est une da'wa non pas pour la religion d'Allah Azza wa Jal et pour Allah, c'est une da'wa pour les fondements de la jama'a et pour les principes fondamentaux de cette jama'a. C'est pas une da'wa pour faire triompher la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est une da'wa pour embellir le groupe et les têtes du groupe et les emblèmes du groupe et les penseurs du groupe et les théoriciens du groupe dans la communauté de l'islam. C'est tout. والدليل يقول الشيخ والدليل على أنهم أدخلوا المشركين والرافضة عندهم ما يلي. الأمر الأول يقول حفظه الله تعالى أن حسن البنا حين قام بالدعوة في مصر تابعه على دعوتي عشرات الألوف بل مئات الألوف، لكن لم نسمع أنه شرط على أحد ممن دخلوا في حزبه أن يتخلى عن عقيدته السابقة، سواء كانت شركية خرافية أو جهمية تعطيلية أو معتزلية تنفي القدر وتقول بخلق القرآن وتشهد رؤية الله في الآخرة أو غير ذلك. لم نسمع ولم نقرأ في كتبه أنه قال لأحد منهم لا تدخل في دعوتنا حتى تتخلى عن عقيدتك السابقة. فقط جمع قمش صافي، هذا هو الذي، فلو قال له تخلى عن عقيدته لهرب عليه. Donc la première preuve comme quoi ils acceptent tout le monde dans leur groupe, même les associateurs, c'est que Hassan nous dit cher ici, c'est que Hassan al-Banna, quand il a accompli sa da'wa en Égypte, 10 milliers de gens l'ont suivi. 10 dizaines de milliers de gens l'ont suivi dans sa da'wa. 10 milliers de gens. Mais il dit cher, nous n'avons jamais entendu qu'il a fait comme condition à tout un disciple qui vient dans le groupe et de le suivre, et qui rentre dans son parti, qu'il doit laisser ses croyances qu'il avait auparavant. Que ce soit des croyances qui sont du domaine de l'associationnisme, de la mythologie et du mythe. Que ce soit des croyances d'Al-Jamia qui dépouillent les sens. Que ce soit des croyances d'Al-Mu'tazila, les extrêmes parmi eux qui ne croient pas en le destin. Qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas les choses. Qu'ils laissent une fois qu'ils arrivent, ce qu'on appelle le Qadariya, et qui disent que le Coran est créé, et qui ne reconnaissent pas le fait de voir Allah Azza wa Jal dans le delà, ou autre. Et il dit, Rahimahou Ta'ala, nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas lu dans ses livres qu'il a dit à quelqu'un parmi eux, ne rentre pas dans notre da'wah jusqu'à ce que tu délaisses ta aqida. Parce que s'il le fait, personne ne va rentrer. Puisque c'est le fait, c'est tout simplement regrouper, réunir autour du soi, c'est tout. Sans authentifier les dogmes, sans rien faire de tout ça. Amma l'amru thani, sa'a Sheikh al-Banna fi t'qrib bayna sunnat wa shi'a. Wa a'tibaruhu anna shi'a ikhwan fi l'islam, raghma ma indahum min al-aqa'id al-munafiyati lid-din al-islami. منافاة واضحة من ذلك زعم الشيعة أن أئمتهم معصومون وقد خالفوا في هذا إجماع علماء المسلمين أن العصمة ليست لأحد غير الأنبياء. ومن هنا أنت لا تتعجب الآن عندما تسمع القرضاوي والغزالي يدعون إلى التقريب بين أهل السنة، فشيخهم البنا دعا إلى هذا، لن يخالفوا شيخهم. Le deuxième point comme quoi ils acceptent tout le monde dans leur groupe, c'est que Cheikh al-Banna a œuvré pour rapprocher les sunnites et les chiites. Il a considéré que les chiites, ce sont ses frères en islam, malgré les fausses croyances qu'ils ont. Des croyances qui sont en contradiction avec la religion de l'islam. Et qui sont très claires. Une énorme contradiction avec l'islam. Une claire contradiction. Certains croient, ils croient que leurs imams sont épargnés de l'erreur, mais sont au monde. Et avec ça, ils sont en divergence, en contradiction avec le consensus des hommes de science de cette communauté. Car le consensus dit, il n'y a pas d'homme, personne, aucun être humain n'est épargné de l'erreur, sauf Muhammad alayhi salam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala asama. Yahadou, Rafida, ils disent, comme le dit Khomeini dans son livre L'État musulman, il dit, nos imams sont arrivés à des degrés où n'est même pas arrivé le prophète, ni les anges, etc. Où personne n'est arrivé. Et il dit même que le Mahdi, le montadar qu'ils attendent, leur faux Mahdi, qu'il va faire mieux que Mohammed ibn Abdillah. A'oudhu billah. Et Adam et Adalek, tu les entends. Ne t'étonne pas que le Qardawi, le Ghazali qui est mort il n'y a pas longtemps, soit dans le même avis que leur Sheikh al-Banna, qu'ils appellent aussi au rapprochement entre Shia et Sunna. Sois pas étonné, parce qu'ils tiennent ça directement de leur Sheikh Hassan al-Banna. ومن ذلك زعمهم عليهم لعائن الله أو زعم بعضهم أن جبريل خان فألقى الرسالة على محمد وهي كانت لعلي رضي الله عنه وهذا كفر من أبشع الكفر. You see ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire ces chiites, ils prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala les maudit comme il se doit. Certains parmi eux prétendent que Jibril alayhi salatu wasalam a trahi le message, et au lieu de le donner à Ali, radiallahu anhu, il l'a donné à Mohammed, alayhi salam. Et ça, c'est une mécréance. Et c'est une pire mécréance. C'est une énorme mécréance. Subhanallah. Jibril trahit le message. Et Allah, Azza wa Jal, ne voit pas. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé les anges. Ils lui disent, ils obéissent pas. Ils font, ils mettent en application que les ordres d'Allah, Azza wa Jal. Ça veut dire, qu'ils sont en train de, ce verset qui dit que les anges sont créés pour obéir à Allah, Azza wa Jal, et qu'ils ne font que l'ordre que Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a donné, c'est-à-dire, ils le plaquent contre le mur, ils y croient pas, en disant ainsi. Et rejeter un verset de l'Al-Qur'an, etc. C'est une mécréance en soi. C'est énorme. ومن ذلك سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة ورميهم لعائشة بالإفك بعد أن برأ الله سبحانه وتعالى منه وهذا كفر وإنكار لما جاء في القرآن من تبرئتها وجحد الله. You see, les insultes qu'ils y mettent contre Abu Bakr, Omar, Othman et les autres compagnons. Et le fait qu'ils disent de Aïcha que c'est une... Je ne dis pas ce qu'ils disent. Il la traite comme quoi il a commis l'adultère. Et quand il parle de la vache qu'il y a dans le Coran, il dit ça c'est Aïcha. A'oudhu billah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit son dit en Coran pour innocenter Aïcha. Et ce Coran se lira jusqu'à la fin des temps. Et ça, le fait de dénigrer Aïcha radiallahu ta'ala, et dénigrer la personnalité de Aïcha, et la traiter comme il la traite, c'est une mécréance en soi. Et c'est aussi ne pas reconnaître son innocence qui est descendue dans le Coran et de mettre de côté cette parole d'Allah Azza wa Jal qui est innocente. Aïcha radiallahu ta'ala, c'est énorme. Et à Dieu, ils veulent qu'on se rapproche d'eux. Ils veulent rapprocher ce sunnah. Et nous sommes les plus grands ennemis de là, des rawafid. On est des impurs pour eux. Même si tu te laves mille fois, quand un rafidi veut insulter un autre rafidi, il lui dit le saut de l'os d'un sunni dans la tombe de ta mère. C'est la plus grande des insultes. Et moi et toi, les gens de la sunni nous voient avec une queue. On a une queue derrière. Ainsi ils nous voient. L'aïdan billah. Ainsi. Faut pas se faire avoir. Faut pas se faire avoir. Ceux-là, ils ont des croyances de mécréance. Et leurs plus grands ennemis, c'est les gens de la Sunna. Le Khomeini, dans une assise, avec celui qui a écrit pour Allah et après pour l'histoire, son livre, où il raconte tout, il était parmi eux, il était un de leurs savants. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé, et il raconte. Il dit quand il a été visité, il était en assise privée avec le Khomeini lui a dit, il est temps de purifier la terre sainte, la Mecque et Médine, de ces wahhabites, qui l'ont rendu impur. C'est que, ils n'ont d'ennemis sur terre. Ce n'est ni les juifs ni les chrétiens, ce sont les gens de la sunna. Et dit, il est temps de changer la direction de la Qibla, qui a été souillée par l'impureté des wahhabites. Et il veut les mettre la Qibla vers Qom. Et Allah. Et Ado, quand il a fait sa révolution iranienne, ils sont allés le voir, ils lui baisaient la main. Sont partis d'Europe, d'Amérique, de partout, les frères musulmans, pour aller lui baiser la main et le féliciter. A'oudou billah. ومن ذلك زعمهم أن القرآن مبدل ومحرف وقد حذف منه أكثر من النص وهذا تكذيب لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Et aussi, Rafidat Shia, il prétend que le Coran, il a changé, il a été falsifié. Et que plus de la moitié est enlevée du Coran. Et ceci, c'est démentir ce verset, cette parole d'Allah Azzawajal qui dit, nous avons descendu la révélation et nous allons la protéger. Hein? C'est plaquer cette parole contre le mur. ومن ذلك اعتقادهم جواز نكاح المتعة ومخالفتهم لإجماع المسلمين على نسخها. Et aussi, le fait qu'ils croient que la validité et l'authenticité du mariage viennent du muta'a. Mariage, c'est en quelque sorte rendre valide l'adultère. Tu viens dans une région, tu demandes à une femme de se marier avec elle pour un laps de temps et tu te conviens d'une somme. C'est marchander l'adultère et le temps que tu vas passer avec elle. Ils le rendent licite et ceci va est en contradiction avec le consensus des hommes de science de cette communauté. Et avec le consensus des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Subhanallah. C'est rendre valide hein, l'adultère. Pourquoi tu vois que beaucoup de frères ici dans la rue, là, beaucoup de jeunes, Msakini sont tombés dans leur filet? Parce qu'ils les envoient dans l'adultère, directement. Ils leur ouvrent la porte de tout. Moi, je pose la question à ces frères. Est-ce que vous l'acceptiez pour votre sœur? Que votre sœur soit une mout'a chez quelqu'un? Ou là pour votre mère? Hein? ومن ذلك اعتقادهم انه يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من اربع ويخالفون اجماع المسلمين. Et aussi le fait qu'ils croient aussi que le musulman peut se marier avec plus de quatre femmes. Et avec ça, ils sont en contradiction énorme avec le consensus des hommes de science, de la communauté. ومن ذلك تأليههم لأئمتهم خاصة وأهل البيت عامة وذلك بتعبيد أبنائهم لهم فهم يسمون عبد الزهراء وعبد الحسين وعبد الكاظم وغير ذلك ويعتقدون أن الأموات منهم يجيبون الدعاء ويكشفون الغمة. Et aussi, ils sont pris comme divinité, leurs imams. Ils sont pris comme divins, comme Dieu, leurs imams. Surtout, et les gens de la famille du prophète, alayhi salatu wa sallam, en particulier. Et quand ils ont des enfants, tu entends leurs enfants, ils les font qu'ils soient des serviteurs aux descendants de la famille du prophète, alayhi salatu wa sallam. Ils appellent Abd al-Zahra, Fatima al-Zahra, la fille du prophète, alayhi salatu wa sallam. Abd al-Zahra, Abd al-Hussein, Abd al-Hassan, Abd al-Kadhim, et ainsi de suite. Ils croient que les morts répondent à la dua et qu'ils dissipent hein, la tristesse et ils soulagent ceux qui leur demandent. Et ceci, dans leur livre, qui est l'équivalent pour les gens de la sunna de Sahih al-Bukhari, dans lequel il n'y a que du mensonge. Chaîne de transmission à dormir debout. Il y a même des chaînes de transmission qui sont une chaîne de transmission âne à âne. L'âne qui est monté dans l'arche de Nuh, alayhi salatu wassalam, à celui qui est avant, jusqu'à l'âne Ufayr, qui était l'âne de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. L'âne, la chaîne, t'as déjà entendu? Une chaîne de transmission d'âne. A'oudou billah. Subhanallah. Aïna l'uqoul. أينكم يا عباد الله؟ الكتاب الكافي هذا للكليني عند الرافضة يعتبر هو البخاري عندهم. جاء في كتاب الحجة باب نادر فيه ذكر الغيب أي أن الأئمة يعلمون الغيب وفي المجلد الأول صفحة 202 كتاب الحجة باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم منهم سبحان الله ها باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقولون. Écoutez maintenant dans le kafi qui est le Sahih al-Bukhari dans lequel il y a du mensonge dans Kitab al-Hujja, livre de la preuve, il dit que les imams connaissent l'invisible, leurs imams connaissent l'invisible. Et ils disent que les imams, alayhimus salatu wassalam, alayhimus salam, savent quand ils vont mourir. Ils ne meurent qu'avec leur choix. Subhanallah. Ils ne meurent qu'avec leur choix. Hein? Et que les imams, leurs imams, connaissent toute chose, ce qui va être, ce qu'il sera. Rien ne leur échappe. Salawatullahi alayhim, comme ils disent. Dans le kafi. Et Omar a écrit à ce kalam. Nassara lam taqul, wa la qalatu li yahoud. Qu'est-ce que tu en penses de ces paroles? Les juifs n'ont pas dit ceci. Ni les chrétiens n'ont dit ce genre d'énormité. Subhanallah. Et hadidun, le rapprochement entre Shia, hein, la délégation pour hein, le comité de rapprochement entre Shia et Hela. Et ce nom, si vous voulez rapprocher tout le monde. ورغم هذه الأمور المكثرة والبلاوي التي هي غاية في البشاعة والكفر رغم هذا كله فقد اعتبرهم حسن البنا إخوانا في الدين وسعى في التقريب بينهم وبين أهل السنة سعيا حتيتا وبذل في ذلك جهدا ليس باليسير وسار على نعشه أتباعه من بعده يقول عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين وبلغ من حرصه يعني من حرص البنا على توحيد كلمة المسلمين أن كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله أن يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم وخاصة وأن قرآننا واحد وديننا واحد وإلهنا واحد ورسولنا واحد فانظر إلى هذا الضرر كما يقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي انظر إلى هذا الضلال والإفك المبين ومع هذا كله يريد الإخوان المسلمين التقريب بين أهل السنة والرافضة بل يرون أن هذا كله لا يوجب الاختلاف بيننا سبحان الله et malgré toutes ces choses qui sont du domaine de la mécréance et des catastrophes dans les croyances etc et qui sont سبحان الله des degrés où les juifs et les chrétiens ne sont pas arrivés malgré tout ça, Hassan al-Banna considère Shia comme des frères. Et il a fait tout ce qui était dans son possible pour les rapprocher. Hein? Et il a tout ouvré dans le sens. Et ses disciples ont fait de même. Écoute, Omar Talamsamani, celui, l'un des guides généraux pour le monde entier, il est mort aussi, de l'Ikhwa al-Muslimin, il dit dans son livre Hassan al-Banna, le Qaïd, le guide, hein, le Moulham Mawhoub, qui a des qualités, qui reçoit, ou ma'avgash, et d'akshiga. Il dit son acharnement, le acharnement de Hassan al-Banna a unifié la parole des musulmans, et a unifié les musulmans. Voulait créer un congrès pour réunir tous les groupes islamiques. Peut-être que là, il va les guider à un consensus qui va faire barrière entre le fait qu'ils se disent mécréants les uns les autres. Alors que notre Coran est unique, notre religion est unique, notre Dieu est unique, notre Allah est unique et notre prophète est unique. Hein? فيقول الشيخ محمد النجمي حفظه حمد أحمد النجمي حفظه الله تعالى قلت وهل يتصور أن تجتمع الفرق التي عاشت على الخلاف ألف سنة بل أكثر هل يتصور أن تجتمع الآن الشيخ النجمي d'attirer notre attention il dit il est imaginable que les groupes qui se sont divisés depuis plus de 1000 siècles au moins dans la divergence ils vont se réunir maintenant. Est-ce que c'est imaginable qu'ils se réunissent maintenant? ويقول حفظه الله تعالى ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في المركز العام فترة ليست بالقصيرة كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام 48900 الميلادي وحدث بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخصيات الإخوان المسلمين اليوم وأحد تلامذة الإمام الشهيد الأستاذ عبد المتعالي الجبري في كتابه الاعتصام نقل فيه كلاما لكاتب إنجليزي يذكر فيه دور البنا في التقريب مع الشيعة ويعلق الأستاذ الجبري قائلا لقد صدق روبر وشم بحساسته السياسية جهد الإمام في التقريب بين المذاهب الإسلامية، فما له لو أدرك عن قرب دوره الضخم في هذا المجال مما لا يتسع ذكره لذكره المقام انتهى. Et Cheikh de nous dire que Hassan al-Banna a accueilli dans son centre général l'éminence Cheikh Mohammed al-Qummi, qui est l'un des grands savants d'Al-Shia. Il est un de nos grands leaders. Il l'a pas accueilli pendant une période courte, une longue période. Et il est connu de Hassan al-Banna, quoi il a rencontré la plus grande référence chiite, Ayatollah Kashani, durant le pèlerinage de 1948. Il y a eu une compréhension, une entente entre les deux hommes. Et ceci, c'est l'un des rois musulmans qui fait allusion à ça, qui est l'un de ses élèves. L'un des élèves de Hassan al-Banna, qui est l'Ustad, le professeur Abdel Muta'ali, al-Jabri, dans son livre l'Irtisab, il prend un anglais qui s'appelle Robert, et cet anglais rapporte comme quoi Hassan al-Banna a joué un rôle très important, œuvré pour rapprocher Shia de la Sunna. Et al-Jabri, l'Ustad al-Jabri, de dire en commentaire, Robert a dit vrai. Et il a senti avec son sens politique les efforts de l'imam, c'est-à-dire Hassan al-Banna, dans le rapprochement entre eux, les différentes écoles islamiques, différentes madhhab islamiques. Qu'est-ce qu'il en est s'il avait su le rôle qu'a joué Hassan al-Banna, l'énorme rôle qu'il a joué dans ce sens-là? Et là, c'est un de ses élèves, dans son livre l'Irtisab, qui a écrit ça et qui le dit. Dikrayat la mudhakira qal. وفي الأربعينيات الأربعينات على ما أذكر كان السيد القمي وهو شيعي المذهب ينزل ضيفا على الإخوان في المركز العام ووقتها كان الإمام الشهيد هكذا يقولون كذب يعمل جادا على التقريب بين المذاهب حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذا يعملون من خلاله على تمزيق وحدة الأمة الإسلامية. Et il a aussi pris du livre de Talamsani, qui est là aussi l'un des grands guides, général de l'Ikhwa al-Muslimin, de son livre, Dikrayat, des souvenirs, hein, la Mudhakirat, il a dit, wa alaykoum salam wa rahmatullah, pendant les années 40, selon mon souvenir, Sayyid Qummi, il était chi'i, venait comme invité chez l'Ikhwan, à leur centre principal, à leur quartier général. Et à l'époque, l'imam Shahid, ainsi ils l'appellent, leur emblème l'imam Shahid. Ils ont faux, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et Hassan al-Banna œuvrait de toutes ses forces pour faire le rapprochement entre les différentes voies, pour que les ennemis de l'islam ne prennent pas cette division entre les différentes voies qu'on porte pour diviser la communauté et l'unité de la communauté musulmane. Et il dit, Hada Talamsani, qui était aussi guide général, il dit, يقول, وسألناه يوما, يسأل البنا, عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة, فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة, التي لا تليق بالمسلمين, أن يشغلوا أنفسهم بها, والمسلمون على ما ترى من تنابذ, يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره. قلنا لفضيلته نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو توسعة هوة الخلاف بين المسلمين, ولكننا نسأل للعلم, لأن ما بين أهل السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها, وليس لدينا من سعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع. فقال رضوان الله عليه كما قال التلمساني, اعلموا أن السنة والشيعة مسلمون, تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل العقيدة والسنة والشيعة فيه سواء وعلى النقاء. أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب بينهما فيها. أعوذ بالله. ذكريات لا مذكرات للتلمساني. Donc il dit, هذا التلمساني, il dit, un jour nous avons posé la question à Hassan al-Banna pour savoir la grandeur et la profondeur de la divergence qu'il y a entre les gens de la Sunna et Shia. Il nous a interdit de rentrer dans ce sujet. Il a dit, il ne faut pas rentrer dans ces sujets épineux qui ne convient pas aux musulmans de s'occuper de ces sujets et de se préoccuper avec ces sujets. Et comme tu vois, les musulmans, ils sont divisés et les ennemis de l'islam n'arrêtent pas d'attiser le feu entre eux. Et Talem Saman est de dire, nous avons dit à son éminence, on ne demande pas par sectarisme, ni pour élargir encore plus la divergence entre les musulmans, mais tout simplement pour savoir. Car les problèmes qu'il y a entre les gens de la Sunna et Shia, il est écrit dans beaucoup de livres, trop de livres. Nous n'avons pas le temps pour faire des recherches dans ces sources qui citent les divergences qu'il y a entre les gens de la Sunna. Et il a dit, Ridwanullah alayhi, qui a dit Hassan al-Banna, comme dit Talem Samani. Sachez que Sunna et Shia, ce sont des musulmans. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, les réunit. Et ça, c'est la base du dogme et des croyances. Et Sunna et Shia sont identiques là-dessus, ils sont sur une pureté là-dessus. Quant aux divergences qu'il y a entre eux, c'est dans des choses, il est possible de les rapprocher. Comment on peut rapprocher? Et ceci cité dans Dikrayat, la Mudakirat, à Omar Talem Sani, qui est l'un des grands guides d'eux aussi. Je crois que c'est le troisième, après Hassan al-Banna. Comment on peut rapprocher entre ceux qui insultent Abu Bakr, et Omar et Uthman? Yaqul al-Sheikh, النجمي حفظه الله تعالى قلت القول بأن الشيعة وأهل السنة سواء وعلى النقاء هذا القول لا يصدر إلا من جاهل أو مغالط. الشيخ رحمة الله عليه حفظه الله تعالى رحمنا وإياه الشيخ النجمي دي le fait de dire que الشيعة et les gens de la Sunna sont unanimes sur la pureté dans leurs croyances, ceci ne peut émaner que d'un ignorant ou quelqu'un qui veut induire en erreur. Mughalit. D'un ignorant, quelqu'un qui induit en erreur. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, فَهَلْ مَنْ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَيُكَفِّرُهُمَا وَيَتَّهِمُهُمَا بِالْخِيَانَةِ هُوَ وَمَنْ يُجِلُّهُمَا وَيَتَرَضَّى عَنْهُمَا وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُمَا أَفْضَلُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بعد نبيها سواء. Et il dit premièrement, est-ce que ceux qui insultent Abu Bakr ou Omar, ils les rendent mécréants et les accusent de trahison, est-ce qu'ils sont égaux avec ceux qui respectent Abu Bakr et qui font des du'as pour Abu Bakr et qui croient que Abu Bakr et Omar ce sont les meilleurs de la communauté après Mohammed alayhi salatu salam, est-ce que ceux-là sont égaux avec ceux qui les insultent? Taniyan, wa hal man ya'taqidu al-ismata lil a'immati الاثنى عشر من أهل البيت ومن يعتبرهم كغيرهم من المسلمين سواء. Deuxièmement, il dit, est-ce que ceux qui croient comme quoi leurs imams sont épargnés de l'erreur, les 12 imams sont épargnés de l'erreur parmi les gens de la famille du prophète alayhi salatu wasalam, et ceux qui les considèrent, est-ce qu'ils sont égaux avec les autres musulmans? Ils sont sur le même pied d'égalité de croire qu'un imam il est épargné de l'erreur? On peut le mettre à même pied d'égalité de quelqu'un qui respecte les imams, hein, mais qui ne croit pas en fait qu'ils sont épargnés de l'erreur. Talitan, وهل من يعبد أبناءه لأهل البيت ويسميهم عبد الزهراء أو عبد الحسين أو غير ذلك ومن لا يرى العبودية إلا لله تعالى سواء إلى غير ذلك. ولقد صرح الخميني في بعض كتبه أن المهدي المنتظر إذا ظهر فسينجح أكثر من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحزاك الله. Et troisièmement, est-ce que celui qui fait de ses enfants, il leur donne des noms pour qu'ils soient les serviteurs de la descendance du prophète alayhi salam, il les appelle Abdul Zahra, Abdul Hussein et autres. Est-ce qu'ils sont égaux avec ceux qui font que leurs enfants sont appelés Abdul Rahman, serviteur du Clément, Abdullah? Hein? Est-ce que là et ceux-là sont égaux? Par Allah, ils sont pas égaux. Et Khomeini, dans l'un de ses écrits, a dit que le Mahdi, le Montadan, le Mahdi, qu'ils attendent Huma, qu'ils attendent le Shia, quand il va arriver, il va réussir mieux que Mohammed alayhi salatu wassalam. Akhza Allah. A'oudou billah. Inna al-fawariqa bayna ahli sunnati wa shi'a fawariqun kabira. La yumkinu ma'aha taqarubun wa la ishtima' illa an yatakhalla ahadu al-janibayni an aqidatihi wa yirda bi'aqidati al-janib al-akhar. Wa hada ma la yajuzu min as-sunni wa la yumkinu husuluhu min ash-shi'ati raghma wujubihi alayhim wa wujub al-id'ani lil-haqq alladhi ma'a lis-sunna. Les points de divergence qui séparent les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna et shi'a, ce sont des points de divergence qui sont énormes. On ne peut pas se rapprocher avec. Il ne peut pas y avoir d'union ou de fusion. Sauf si l'un des deux côtés délaisse les positions sur lesquelles il est. Il délaisse ça, ses croyances. Et qu'il accepte les croyances de l'autre côté. Et ceci n'est pas permis aux gens de la sunna. Et ça ne peut pas arriver. Et les gens de la sunna vont pas faire de même. Alors que eux, il est obligatoire pour eux de délaisser leurs croyances et de prendre la vérité qu'il y a avec les gens de la sunna. Mais ils le feront pas. وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَى النَّقَاءِ فَإِنَ النَّقَاءُ مِنْ قَوْلٍ يَرَوْنَ أَفْضَلَ الْقُرْبِ أَدْيَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَفِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ مُسْتَفِيضَةٌ وأذكر أننا ذهبنا لطواف الإفاضة والسعي في آخر ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر فوجدنا تحت الصفا أي قبل الوصول إليها عذرة كثيرة منثورة على مسافة ما يقارب 15 مترا وبكميات كبيرة مما يدل على أن فاعل هذا قد جمعها في باغات ونثرها وأذكر أن الناس باللسان الواحد كانوا يتهمون بذلك الشيعة لأن هذه أهل السنة مبدأ من مبادئهم ودين. Donc, et quand il dit qu'ils sont sur la même pureté, quand le Banna dit sur la même, qu'ils sont sur la même pureté des Cheikh Najm Hafidhahullah, où est la pureté de gens qui voient que la meilleure des façons de se rapprocher de Allah Azzawajal, c'est faire du mal aux gens de la Sunna. Et dans ça, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de récits là-dessus. Et Cheikh de nous citer quelque chose qu'il a vécu. Et je me rappelle, lors d'un pèlerinage où il est revenu pour faire tawaf al-ifada et pour faire sa'i entre Safa et Marwa à la nuit du 11e ou là du 12e de l'Hijja, il a dit nous avons trouvé au début du Safa, au début avant d'y monter, des impuretés, des excréments. Il dit il semble que celui qui l'a fait, il l'a ramassé ailleurs, il l'a ramené, il l'a étalé sur plus de 15 mètres. Il dit que les gens, à l'unanimité, ont dit que ceci, c'est un acte d'un chi'i. Car ils connaissent le mal que font les gens, le chi'a, et que faire du mal aux gens de la sunna fait partie des principes fondamentaux d'yel chi'a. Yaqul le cheikh Abu Malik al-Juhani, أن البنا في نظره أوتي في هذا الباب من جهله بالشيعة. لذلك لما سألوه عن الخلاف بين السنة والشيعة تهرب، قال اتركوا هذه المسائل. لما؟ لأن الرجل كان له قصد سياسي، يريد أن يجمع، يريد أن يجمع فقط. فلما لحوا عليه وقالوا نحن نطلب هذا للعلم لا للتعصب والخلاف، أجاب بإجابة رجل يجهل ما عند الشيعة من طوام، وقال اعلموا أن السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل العقيدة والسنة، وهذا أصل العقيدة والسنة والشيعة فيه سواء على النقاء. أبو مالك الجواني يقول que à son avis le Banna il ignore la voix de la Shia. C'est pour ça que quand ses disciples et ses élèves lui ont posé la question sur les divergences qu'il y a entre sunna et shi'a, il a esquivé. Il a dit, laissez ça. C'est un problème épineux, ne rentrez pas dedans. Pourquoi? Parce que l'homme, il a un but politique, il veut réunir pour un but politique. Et quand ils ont assisté, ils lui ont dit non, on demande pour savoir, et non pas par sectarisme, et non pas pour agrandir les divergences. Il a répondu la réponse d'un ignorant. Il a dit ce qui est, c'est Shia. Il a répondu de la réponse de quelqu'un qui ignore les catastrophes et le déluge de catastrophes qui est chez Shia. Il leur a dit, sachez que les gens de la Sunna et Shia, ce sont des musulmans. Ils sont réunis par la parole de l'unicité, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la base du dogme. Et Shia et Sunna sont identiques là-dessus, ils sont sur la pertu, sur ce point-là. وهذا كلام خيالي وغير صحيح وزاد الطين بلة بقول أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب بينهما فيها وهذا كلام من لا يعرف مدى وعمق الخلاف بين الفريقين ومن لا يعرف ما عند الرافضة من طوام ومن لا يعرف جذور الخلاف بين السنة والشيعة. Ce qu'il a dit, qu'ils sont sur la pureté, ça c'est une parole, c'est de l'illusion. Il n'est pas avenant, cette parole. Il a rajouté à la terre de l'eau, en disant la divergence qu'il y a entre Shia et Sunna, c'est dans des choses qui sont simples, on peut les rapprocher. Et ça, c'est une parole de quelqu'un qui ne connaît pas la profondeur de la divergence qu'il y a entre les deux groupes, de quelqu'un qui ne connaît pas la réalité des Rafida, et ce qu'ils ont comme grande catastrophe dans cette religion. Quelqu'un qui ne connaît pas les racines de la divergence entre Sunna et Shia. وكثير من الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى بعض من ينتسب إلى العلم لا يعرفون حقيقة الشيعة أو يغضون طرفهم عنها. Beaucoup de gens à l'est de la terre et à l'ouest de la terre, même certains, dites-eux que ils ont un peu de science, ne connaissent pas la réalité des Shia. Ou alors ils ferment les yeux sur les catastrophes des Shia. وهي الأمثلة أمامكم تسمعون عبر القنوات وخاصة المستقلة في المناظرات والندوات إذا دار الخلاف في قضية تمس الشيعة بالعراق أو حزب اللات في لبنان تجد كثيرا من المناظرين يتكلمون بكلام شخص لا يعرف الشيعة وبلاياهم وهذا كثير عند الإخوان المصريين وإذا تملت حال الإخوان في سوريا تجد بينهم وبين الإخوان المصريين بونا شاسعا في قضية الشيعة وإلا فهم على وترة واحدة فخذ مثلا مصطفى السباعي مرشد الإخوان في سوريا كان يرى أن التقريب بين السنة والشيعة مستحيل لأنه يعرفونه لأن الشيعة موجودين في سوريا وفي مصر لا وجود للشيعة. Regardez maintenant, les exemples sont nombreux devant vous. Quand on entend, quand on voit ce qui se passe sur le Mustaqilla, sur certaines autres chaînes comme dans les débats qu'il y a et les tables rondes qu'il y a, quand le sujet tourne autour de la divergence qui touche Shia en Irak ou qui touche Hezbollah ou en Liban, beaucoup parmi qui sont là présents au débat parlent des paroles et émettent des paroles de gens qui ne connaissent pas la réalité d'El Shia. Ils ne connaissent pas les catastrophes d'El Shia et les énormités des erreurs d'El Shia. Et ceci, ils monicorent chez les invités parmi les Égyptiens sur les plateaux de télévision. Et quand tu médites la situation des Ikhwan en Syrie, tu vois qu'il y a une grande différence entre eux et les Ikhwan en Égypte. En ce qui concerne Shia, sinon ils sont identiques, les uns et les autres sont sur la même voie. Tu prends par exemple Mustafa Sbaï, qui était le guide des Ikhwan en Syrie. Vous voyez que le fait de se rapprocher de Shia est quelque chose d'impossible. Pourquoi? Parce qu'il connaît Shia. Shia existe. Shia vivent en Syrie, contrairement à l'Ikhwan en Égypte. فالرافضة دهات كانوا يضحكون على المصريين والعالم الوحيد والعالم الوحيد من مصر الذي انبرى لهم ورد عليهم ولم يكن مصريا كان سوريا يعيش في مصر. فالرافضة أقاموا دارا للتقريب في القاهرة ورفضوا أن يقيموا دارا في قوم أو طهران. انظر خبتهم. لماذا أقاموا دار التقريب في القاهرة ورفضوا إقامتها في أي مدينة من مدنهم؟ لأنهم يريدون نشر التسيع في مصر، يريدون إقامة مساجد ومكتبات للشيعة، وجعلوا الإخوان المفلسين مطية لهم، فهم الذين فتحوا لهم هذا الباب. الرافضة ce sont des gens qui utilisent les manigances. Hein? Ils utilisent les ruses, etc. Et ils sont moqués des Égyptiens. Le seul savant qui a répliqué d'Égypte au Rafida, qui a levé sa plume contre Rafida, n'était pas égyptien, il était syrien. Il vivait en Égypte. Rafida ont installé une maison qui s'appelle la maison du rapprochement entre Shia et Sunna au Caire. Ils n'ont pas accepté qu'on fasse la même maison à Tahran ou à Qom. Parce que ils veulent propager la voie d'El Shia. Ils s'en foutent du rapprochement. Pourquoi ils ont construit? Pourquoi ils ont fondé une maison du rapprochement au Caire? Ils l'ont pas accepté. Ils l'ont pas accepté. Regarde leur impureté, l'impureté de leur intention. Ils n'ont pas accepté la même chose ni à Tahran ni à Qom. Parce qu'ils veulent propager Tashayyu en Égypte. Ils veulent accomplir, construire des mosquées chiites en Égypte et des librairies chiites en Égypte. Ils ont pris les Ikhwan comme pont pour y arriver, pour passer sur leur dos. Enfin, les Ikhwan, c'est eux qui ont ouvert cette porte. والعالم الذي انبنى لهذه المكيدة الخبيثة كان سوريا هرب من الشام وعاش في مصر 50 سنة وهو محب الدين الخطيب هذا الرجل رد على الرافضة وبين عوار هذا التقريب وكشف زيف الرافضة وفضحهم فضيحة كبرى جزاه الله خيرا في كتاب صغير الحجم عظيم الفوائد سماه الخطوط العريضة لدين الرافضة دحض شبههم في هذا الكتاب القيم وقامت عليه الردود من العراق وإيران لما؟ لأن هذا الرجل فضحهم وفضح حيلهم ومكرهم وخبتهم. Et le seul savant qui vivait en Égypte, qui a levé sa plume pour répliquer à cette ruse impure des Rafida, il était syrien. Il s'est sauvé de Cham et il a vécu plus de 50 ans en Égypte et il est mort en Égypte. Il s'appelle Muhib al-Din al-Khatib, rahimahullah ta'ala. Cet homme a levé sa plume pour répliquer al-Rafida. Il a montré le faux dans cette da'wah, cette prétention de vouloir rapprocher sunnah al-Rafida. Et il a dévoilé le faux et l'impureté de l'intention d'al-Rafida. Et il les a divulgués, il les a dénudés, une énorme. Il les a montrés en plein jour, sur la voie sur laquelle ils sont. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur récompense comme il se doit. Dans un petit livre, le livre il est petit, mais il y a plein de points à retenir dans ce livre. Énorme de science ce livre. Il l'a appelé les grandes lignes, les lignes larges sur la religion d'Al-Rafida. Il a anéanti, il a montré les ambiguïtés. Et il a montré le faux sur lequel ils étaient. Et la terre s'est levée contre lui. D'Irak, d'Iran, de partout, les répliques chiites sur lui. Pourquoi ils se sont acharnés sur lui? Parce que justement, il a créé un barrage entre eux et le faux qu'ils voulaient en Égypte. Rahimahullah ta'ala. فما عرف ذلك الوقت أن عالما مصريا من أصل مصري رد عليهم إلا محب الدين الخطيب. والشيخ أبو مالك يقول أن هذا صدر من كون الشيعة لا يوجدون بمصر. Donc on ne connaissait pas à cette époque qu'un savant égyptien a répliqué à Shia. Sauf Muhib al Khatib. Et Cheikh Abu Malik, il dit ceci parce que Shia n'était pas connu en Égypte. Il n'y avait pas la tendance chiite en Égypte. Muhib al-Din kana ala ma'rifatin bil Rafida. Muhib al-Din connaissait bien Rafida puisqu'il vient de Sham. Et min huna ya ikhwa. ينبغي أن نعلم ما عليه الرافضة وأنتم ترون من حولكم يسقطون في حبال فانظر إلى الشريع القريب أمامك وانظر إلى المساجد التي كانت سنية هنا في بروكسل وكانت للسنيين والعوام فأصبحت للرافضة وتذكروا يوم قامت اليهود بالحرب على حزب اللات أليس سواد المسلمين يبجلون نصر الله وحزب اللات فالرافضة يكتسحون العالم انظر في شمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا Partons de là, frère en Allah, Azza wa Jal. Il faut que nous sachions la voie sur laquelle sont Rafida. Connaître le manhaj d'Yar Rafida. Le madhab d'Yar Rafida. Voyons entre devant nous des gens qui tombent. Regardez, le quartier juste à côté. C'est un quartier d'Yar Rafida. Combien de mosquées ici à Bruxelles étaient sunnites, maintenant ils sont dans les mains d'Yar Rafid, khazaoum Allah. Hein? Et rappelez-vous, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, quand il y a eu la guerre entre les juifs et Hezbollah, le commun des musulmans avec ses sentiments, il est tombé dans le filet de qui? De Hezbollah. Il a créé Konasrullah et Tanero et ainsi de suite. Hein? Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas la réalité des Rafida. Et regardez comment Rafida sont en train de pénétrer en Afrique du Nord, en Afrique, en Europe, et en Amérique, et un peu partout. C'est pour ça qu'il faut être éveillé dans ces manigances des Rawafid. Il faut que l'Ikhwan, qu'en Allah Azza wa Jal vis-à-vis de cette communauté, et qu'ils arrêtent d'appeler au rapprochement entre Shia et Sunna, et que leurs emblèmes, comme le Qardawi et autres, reviennent sur cette énormité. ويجب على الإخوان المفلسين أن يتقوا الله وأن يعرفوا من هم الرافضة فإذا اليوم لا زالوا يدافعون عنهم وعندما قامت دولة الرفض الخبيثة على إثر ثورة الخميني أرسل الإخوان المفلسون وفدا يهنئونه بالنصر العظيم وما يعرفون ما عند الخميني من عداء لأهل السنة وما عنده من بلاء وطوام وحسن البنا والإخوان المفلسون في مصر وفي العالم ما يعرفون الرافضة ولذا فتحوا لهم الأبواب فاقرأ التناء من الياسينيين واسمع تناءهم على ثورة الخميني وهي التي يريدونها بالمغرب وسماها شيخهم عبد السلام ياسين بالقومة وحتى من يعرف الرافضة من الإخوان ومن نحى نحوهم يسكتون لأجل التجميع والتقنيش والتكتيف من أجل السياسة نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. Donc, il appartient, et il est du devoir des frères Mouflissoun, Haoula, qu'ils craignent Allah Azza wa Jal, qu'ils sachent la voie sur laquelle sont réellement Rafida. Jusqu'à nos jours, ils les défendent. Et quand s'y a compris l'état d'Yar Rafd, impur, avec la révolution d'Yal Khomeini, les Ikhwan du monde entier, d'Europe, d'Amérique, de partout, ils ont envoyé des délégations pour féliciter hein? Cet état d'impureté et son fondateur. Ils ne savent pas les calamités et les catastrophes et la mécréance qui a chez le Khomeini. Les hommes de science ont décrété que c'est un mécréant. Hein? Et ils ne savent pas la haine que le Khomeini avait contre les gens de la Sunna. Il n'y a que ce qu'il disait en privé à ceux qui étaient avec eux. Il est temps de purifier le haramain. Il est temps de purifier le haramain de l'impureté du wahhabite et du sunnite. Et de changer la direction de la qibla vers Qom. Hein? Hassan al-Banna et les Khwan al-Muflisoun en Égypte et dans le monde ne connaissent pas la réalité des Rawafid. Et s'ils la connaissent, ben ils sont en train de trahir la communauté. C'est pour ça qu'ils ont ouvert cette porte. Regarde maintenant l'Yassinite qui est une réplique. Une photocopie. Dieu Ikhwan, regarde comment ils font l'éloge à la révolution de Khomeini. Et c'est la même révolution qu'ils veulent au Maroc. Et pour détourner l'intention, Abd Salam Yassine a appelé ça le Qawma. Mais quand tu l'étudies, cette Qawma, ben c'est la même chose que la révolution iranienne. Et même ceux qui connaissent, parmi les Ikhwan qui connaissent la réalité, Dieu le Rawafid, ben ils se taisent. Pourquoi? Par but politique. Et pour les postes, et pour réunir tout simplement. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin, et nous allons arrêter là, inshallah. Et juste, on va arrêter dans deux secondes. فَلَا زَالَ الْكَلَامُ مُسْتَمِرًا. Donc on arrête là, inshallah. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.